eh bien, ils ont disparu depuis 6 mois. J'ai vraiment pas de chance. Hein. Alors, nous allons de nouveau avoir Alpha Dio en ligne. Il devait envoyer, vous savez, Alpha Dio, un RIB, je crois, un email pour pouvoir se faire payer. Bon, Alpha Dio, je ne me fais aucune illusion. Vous êtes en ligne avec moi, Alpha Dio ? Oui, je suis en ligne, oui. Vous avez tout envoyé, vous n'avez rien reçu, je suppose ? Pas du tout. Alors nous allons rappeler, mais là Alpha Dio, il va falloir passer par la case tribunal. Je pense qu'on ne peut plus grand chose, nous, à notre niveau pour vous. Ces gens-là sont très bizarres. Il s'agit, je le dis, pour ceux qui pourraient faire voyager leur voiture, de France Fret Express. France Fret Express, il y en a plusieurs. Alors il y a plein d'adresses. Hein. Il y a 19 rue Deux Aubry à Saint-Denis. Non. Vous avez 70 boulevard Anatole France à Saint-Denis, oui. 6 rue des Osiers à Saint-Ouen, l'Aumône, voilà. 200 quai de Clichy, ouais, à Clichy. Oui, tout se fait. Voilà. Et le gérant est monsieur Adama Diallo. Oui. Et il répond en général, hein. Oui. Au moins. Ah oui. Pas là, pas aujourd'hui, mais. On avait plusieurs numéros, on va faire un deuxième. On va voir. Pas de chance. Il faut, vous allez lui expliquer, hein, s'il vous plaît, ce qu'il doit faire, Alpha Diallo, qu'elle ne se fera jamais payer. Alors, on peut l'envoyer à demander justice, c'était combien ? Ah, bah oui, bonne idée. Oui, on peut demander. La difficulté dans ce dossier, c'est qu'on ne connaît pas leur adresse, puisque visiblement, les documents sur le registre de commerce ne sont pas à jour. Ouais. Ensuite, il va y avoir un problème d'exécution. C'est ça le problème, parce que quand on n'a pas les adresses, on ne peut pas attaquer. Exactement, on ne peut pas les, on peut même pas les faire convoquer. Déposer plainte. Moi, je ne me laisserai pas faire. On peut aussi déposer des plaintes, parce que c'est un abus de confiance que de recevoir des fonds pour faire dans un but déterminé et de ne pas le faire. À ce moment-là, là, ce serait, si les faits, évidemment, remontent à moins de 3 ans. Alpha Dio, on n'arrête pas d'appeler, ça ne répond pas. Il faut que vous alliez déposer plainte dès cet après-midi. Blanche Grandville, on vous avait parle. Dit qu'on pouvait déposer plainte contre le gérant de la société et faire une procédure au commerce ou au civil contre la société. On bien peut sûr. Faire les deux en parallèle. Bon, on fait ça, Alpha Dio ? Oui, d'accord. Okay. Faites-le, ne vous laissez plus faire parce qu'ils vont vous balader avec votre voiture. Oui, d'accord. Merci beaucoup, on aurait aimé l'aider, mais malheureusement, on n'a pas pu aider. Alpha Dio. Je remercie beaucoup. Alpha Dio. Sweet, sweet. Alpha Dio. Oh non, Alpha Dio. La voiture, elle est restée sur le port pendant un an. Alpha Dio. Il a payé pour qu'elle reparte une deuxième fois. Et le bonheur sera dans le papier. Alpha Dio. On a répété pour le fait du prix, c'est pas ça, nous n'aurions pas, ils ont pas de monnaie. On peut pas, on reste là. Une alerte, je vous fais un gros bisou, mon Alpha Dio, et passez un bon été, tenez-nous au courant de ce dépôt de plainte. Du nouveau sur quoi, 10h45 en direct, Bernard Sabat. Joël, Julien. Vous vous rappelez, Joël, en début d'émission avec la location de voiture ? Oui, Céline ? Eh bien, Joël est donc parti en vacances hors Grèce avec sa famille. Ils ont pris une voiture de location avec une assurance et malgré tout, impossible de se faire rembourser suite à un acte de vandalisme. Alors, j'ai eu tout le monde, l'agence de voyage, le loueur de voiture, le groupe Selectour. Ça y est, on est enfin tombé d'accord, Julien. Il va avoir un remboursement, c'est acté par Avis, par le biais de Selectour et par le biais de l'agence. À une seule condition, c'est que Joël doit renvoyer les justificatifs derniers que lui a demandé Sabrina. Et ça va être réglé. Ça m'arrange pas parce qu'il va falloir qu'on danse au certain qui même. Est-ce que vous êtes désolé, Joël ? Joël ? Oui. Bon, donc si vous renvoyez les justificatifs, vous serez remboursé. Merci. C'est acté. Je vous en prie. Et donc, du coup, c'est... Oui, alors, Joël, ne soyez pas déçu sur la proposition d'indemnisation qui va vous être faite. Ce sera effectivement en tenant compte de la vétusté. Vous avez des factures de 2016, de 2017. Et là, attendez-vous à ce qu'il y ait effectivement... On ne peut pas vous racheter tout à neuf. C'est-à-dire que, grosso modo, si vous avez, je dis n'importe quoi, un smartphone qui était dedans, que vous aviez acheté en 2016, on ne va pas vous le payer au prix d'aujourd'hui. On va faire une décote, c'est des décotes tout à fait officielles, mais vous n'aurait pas le prix exact du neuf. Allez, dernier mot, Blanche. Ça tombe bien parce qu'il a des factures pour 7 700 et c'est limité, il y a un plafond à 6 000. Donc, il peut espérer avoir cette somme-là. Que se passe-t-il, Hervé Pouchol ? Je vois que vous avez branché votre téléphone. Non, je ne suis pas content du tout parce qu'il vous a mis une mauvaise version du Shirtaki et moi, j'ai la bonne version, celle de Zorba le Grec. Voilà. Ça, c'est la vraie, ça. C'est là-dessus qu'il va falloir danser ? Bien sûr. Vous allez voir, ça accélère. Oui, mais alors, ça accélère au bout de combien de temps ? Parce que l'émission s'arrête dans 11 minutes. Donc, on va laisser s'accélérer, puis on se retrouve dans quelques instants. Julien, il y a plein de photos de femmes nues sur son portable. Mais arrêtez. Ça, c'est vrai. Juste coupé, vous faites bien de parler, Alain Assar, j'ai failli oublier. Ah oui. On en est où des pronostics un petit peu ? Donc, on était bien. Rappelez-nous, France sur Uruguay, vous nous dites. On a dit 1-0 avec la présence, malgré tout, contrairement à de tout Cavani. Ce qui se dit de Cavani. Bon, je vous rappelle également que c'est demain, vendredi. Demain soir, je prends le train pour repartir du côté de Narbonne à Port-la-Nouvelle pour jouer le one-man show au Théâtre de la Mer à Port-la-Nouvelle et on va s'éclater. Ça sera après le match. Le match est à 16h. Moi, je joue à 21h, donc j'espère qu'on pourra faire la fête.

Oh oui, mais Lou, c'est Nikos. Le vibrato au service de l'émotion a touché, je crois, le cœur du jury. Nous écoutions The Rolling Stones sur RTL et nous allons revenir sur le cas de Pascal. Céline, s'il vous plaît, pourriez-vous résumer aux auditeurs d'RTL ce matin en direct le problème de Pascal ? Pascal est gérant d'une entreprise dans le BTP. Une société lui a commandé du matériel. Il attend toujours d'être payé de 7 852 €. Et nous avions eu Monsieur Arapi du groupe Garelli et tout devait se régler avant la fin du mois. Où en est-on, Pascal ? Bonjour ! Oui, bonjour Julien et bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Tout s'est très bien passé comme énoncé en lire lors de votre intervention. Oui. Donc j'ai été réglé, on va dire le 23 d'une moitié. Super. Et puis le 29, j'ai eu la régularisation. Le solde, c'est donc super. Tout s'est très très bien passé. Je voulais remercier toute l'équipe et puis vous Julien. Et puis bravo surtout à Garelli, ça prouve que ce sont des pros, c'est pas oui, tout à fait. Une erreur arrive à tout le monde, nous les premiers, on leur explique, ils nous disent effectivement il y a erreur, on rembourse tout de suite, donc Garelli sont des gens sérieux, d'ailleurs je n'hésite pas à dire Garelli. Aussi. Voilà, ils font partie du club des pros. Merci Pascal, je vous souhaite une bonne journée. En tout cas, très bonne journée à vous. Merci. Hervé, une deuxième bonne nouvelle que vous voulez porter à notre connaissance. Alors nous allons revenir sur le cas de Sandra, c'était hier, et son conjoint. Ils avaient réglé 7 146 € pour le repas de leur mariage. À l'arrivée, c'est la mauvaise surprise. La prestation le jour du mariage est à des années-lumière de ce qui était annoncé. Certains vins ne correspondent pas à ce qui était écrit sur le devis. Les plats n'ont plus la même apparence et la pièce montée ressemble à un cône mal fichu. Nous avons eu le responsable qui a eu la gentillesse de nous parler sur l'antenne. C'est Jocelyn Bénon qui vient de me confirmer que le remboursement des 20% ont été versés. Des 20%. Ah oui, puisqu'elle réclamait 20% de la somme. Voilà. Je tiens à dire merci déjà à ce monsieur. On l'a appelé, il a dit tout de suite. Je crois que c'est la marque des grands professionnels. Il y a eu une erreur de fonctionnement. Il y a eu vraiment un dysfonctionnement dans notre boîte. Ce n'est pas normal. Nous allons rembourser cette dame. Alors, c'est vrai que ça traînait un peu. On lui a donné un coup de fil. Mais là, c'est fait. Et c'est génial. Donc, tant mieux. Et merci à ce traiteur. Et bravo à vous, Hervé, pour deux choses. La première, pour cette négociation. Et deux, pour avoir lu tout ce que vous venez de lire sur votre portable. On sait que vous ne voyez rien. Et vous avez des lunettes de pharmacie en plus, donc c'est très compliqué. Bah oui, comme tout le monde. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces lunettes que vous avez achetées à la pharmacie ? Ah non, mais c'est-à-dire que j'ai rajouté une partie solaire. C'est pour ça que ça a l'air d'être un peu bizarre comme ça. Bon. Mais je voudrais rajouter quand même qu'on avait demandé 20%, c'est un petit peu plus. On a négocié 2 000 €, donc elle va les recevoir aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. On fait un super rapido point info, mesdames et messieurs. C'est parti, on y va sur tout ce qui s'est passé ce matin. Sur tous les cas, c'est la minute info. Joël. Joël est parti en vacances avec sa famille. Ils ont pris une voiture de location. Il y a eu un souci avec cette voiture. Ils attendent d'être remboursés. Ils voulaient 6 000 €. Vous avez eu avis ? Oui, ils ont dit OK, on va rembourser par rapport au plafond qui va être aux alentours de 6 000 €. Maëva. Elle a travaillé pour une entreprise. Elle attend d'être payée de 850 €. Même si ça s'est mal passé, normalement, le virement est parti aujourd'hui. Je redis à cette personne de la société, elle est prioritaire sur l'antenne d'RTL pour nous parler, car des choses assez graves ont été dites. Nous avons cherché à la joindre. Elle n'a pas voulu parler. Si elle veut rectifier ou repasser fin août, elle est bien sûr prioritaire. Et puis, Lucas. Eh bien, Lucas, c'était un retour. Il avait payé une école et son employeur également avait payé cette école. Il attendait d'être payé de plus de 8 000 €. Toujours personne chez Supinfo. Pas de news sur le portable en Belgique. Personne ne répond. Alors, Supinfo, on va vous rappeler peut-être demain ou dès qu'on rentre fin août. La Poste Mobile présente le grand jeu 100% gagnant. Alors, c'est très simple. Vous avez un numéro de portable. Vous avez gagné jusqu'à 10 ans de forfait mobile. Avec la Poste Mobile, vous êtes sûr de gagner. Rendez-vous sur jeu.lapostemobile.fr ou en bureau de poste. Jusqu'au 18 août, c'est le grand jeu 100% gagnant de la Poste Mobile. Gagnez jusqu'à 10 ans de forfait, même sur le forfait 60 gigas. Modalité de participation sur jeu.lapostemobile.fr. Remis sur le prix mensuel d'un nouveau forfait SIM avec portabilité du numéro métropolitain. Pour les clients La Poste Mobile au 30 juin, voir les gains sur le site du jeu. Chérie, ça t'ennuie si j'essaie ces 5 robes ? C'est-à-dire que... Voilà, c'est fait. Je prends celle-là. Les essais, c'est toujours mieux quand c'est efficace. Pendant les Alpha Days, profitez d'offres exceptionnelles. Bénéficiez en plus d'une prime à l'essai allant jusqu'à 1 000 € et repartez immédiatement au volant de votre Alfa Romeo. Ceux qui n'aiment pas attendre vont adorer. Offre valable pendant les Alpha Days, les jours Alpha, du 26 juin au 20 juillet sur modèle identifié en stock disponible avec délai de livraison. Détails sur alfaromeo.fr. Le